bord de l'eau. Quelquefois dans les journaux, je te vois sur des photos. Et moi, loin de toi, je vis dans une boîte de musique électrique et fantastique. Je vis en chimérique. Loin de moi, et je pense à toi là-bas.